AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Alpinisme en Transylvanie, réinventer la montagne. Qui sont les Saxons de Roumanie? En avril 1936, dans le bulletin Politique étrangère, Nicolae Iorga, ancien président du Conseil de Roumanie, expose les différentes hypothèses sur l'origine de cette minorité. D'après la théorie pan-germanique, dit-il, ces Saxons sont partis des rives de la Moselle. Oui, la Moselle. Ils se seraient arrêtés en route et auraient annoncé qu'ils se rendaient sur les terres fertiles du roi de Hongrie. Ils auraient aussi déclaré que ceux qui le voulaient pouvaient se joindre à eux. Ils se seraient donc ainsi groupés et seraient venus s'établir en Transylvanie pour y former des établissements germaniques continus. L'hypothèse paraît peu probable pour Nicolae Iorga, mais nous permet de commencer un beau voyage vers les Carpates. Le district où je dois me rendre est à l'extrême est du territoire, juste à la frontière de trois États, la Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine, au milieu de la chaîne des Carpates, un des fragments les plus sauvages et les plus inconnus de l'Europe. Mon ami, au col des Borgo, ma voiture vous attendra afin de vous mener jusqu'à moi. Je souhaite que votre voyage depuis Londres se soit déroulé dans la joie. Et que vous vous félicitiez de votre séjour dans mon beau pays. Ah mais il est certain que nous allons nous féliciter de ce séjour dans ce beau pays. C'est un extrait du Dracula de Francis Ford Coppola. Bonjour Catherine Roth. Bonjour Xavier Mauduit. Bien sûr, quand il est question de Transylvanie, des Carpates, nous pensons tout de suite à Dracula. Ce n'est pas du tout cela dont il est question des Saxons. Qui sont ces Saxons de Roumanie? Alors parce que Saxons, on connaît le nom, mais on ne les associe pas souvent à la Roumanie. Alors d'abord, ils ont quelque chose à voir avec Dracula et personne ne le sait. Les Saxons de Transylvanie étaient donc une minorité allemande et il semblerait que ce soit eux qui aient créé cette légende sanguinaire à propos de Dracula parce que c'était un prince roumain qui prélevait des droits de douane très élevés et pour se venger, ils l'ont transformé en cette bête sanguinaire. Leur nom a disparu de la légende, mais la légende elle-même et bien resté. Alors les Saxons, ils n'ont rien à voir avec la Saxe pour le coup. On pense que c'est un clerc hongrois qui au Moyen-Âge les a confondus avec des Saxons de Saxe parce que vous savez qu'il y a eu des émigrations pendant tout le Moyen-Âge du couloir rhénan et du reste de l'Allemagne vers l'Europe médiane pour apporter des compétences en urbanisation qu'on n'avait pas, ou bien pour la défendre contre les invasions des Tartares, des Huns, etc. Et il semblerait que ce clerc ait confondu les Saxons avec les mineurs, parce que souvent les minorités allemandes, c'était des mineurs. Et les mineurs venaient de Saxe. Et voilà pourquoi ils s'appellent jusqu'à aujourd'hui des Saxons et n'ont rien à voir avec la Saxe. En fait, le premier document historique dont on dispose date du XIIIe siècle. C'est la bulle dorée des Saxons de Transylvanie. En fait, le roi de Hongrie les appelle en Transylvanie pour défendre le territoire. Et puis, ils y vont parce qu'ils ne sont pas les aînés de la famille. Ils n'ont pas de biens. Ce sont des colons. C'est un peu la même chose que ce qui se passera bien des siècles plus tard. Et d'ailleurs, quand ils s'établissent et qu'ils créent leur village, qui reste les plus beaux de Transylvanie, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quadriller. C'est comme à New York. Les villages saxons sont faits par des quadrillages très systématiques. Et ces quadrillages du Moyen-Âge sont encore visibles aujourd'hui. Et donc, ils vont fonder des villes. des villes comme Brasov qui s'appelle Kronstadt. Ils vont fonder Sibiu qui s'appelle Hermannstadt. Ils vont fonder d'autres petites villes et puis 300 villages qui restent magnifiques. Et ils vont prendre un pouvoir important. Et sur le plan juridique, en fait, la Transylvanie va avoir une diète à partir du 15e, 16e siècle, où les pouvoirs vont se répartir entre trois populations. Les Saxons, qui sont essentiellement des bourgeois, les nobles, qui sont des Hongrois, et les Sicules, qui sont aussi des Hongrois. Et donc, les Saxons, en Transylvanie, vont avoir le tiers du pouvoir, le droit de veto. Ah oui, c'est une vraie histoire, là, d'une colonie, en fait, une colonie allemande qui se situe. Alors, je voudrais qu'on précise quels sont ces paysages. On parle de la Transylvanie. Ça ressemble à quoi? Ils sont dans quelle région, ces Allemands? Ah, les paysages. Transylvanie, au-delà des bois. Alors, ils sont dans l'arc des Carpates. Les Carpates, c'est un grand arc qui fait 1500 km de long. C'est comme un fer à cheval qui est tourné vers l'ouest. Et ils sont à l'intérieur de cet arc des Carpates. Les paysages des Carpates, eh bien, mon Dieu, sont magnifiques. Hein. Ce sont des paysages alpins à moindre altitude. Les Carpates culminent à 2500, 2600 mètres d'altitude, mais elles ont un caractère très alpin à leur sommet. Ce sont de très belles montagnes. Je ne peux que conseiller d'aller y randonner. C'est une destination merveilleuse. Au pied des Carpates, il y a des plaines extrêmement fertiles et très cultivées à l'époque par les Saxons, les Hongrois, les Roumains. Catherine Roth, vous avez écrit « Naturaliser la montagne » avec un point d'interrogation. Le club carpatique transylvain, c'est la Transylvanie, du 19e au 21e siècle, hein, publié aux presses universitaires de Rennes. Que vient faire le sport, ou en tout cas l'activité physique, dans cette histoire d'une minorité, les Saxons en Roumanie? C'est une grande question, et d'ailleurs, elle reprend la question que vous vous êtes posée hier. Est-ce que c'est du sport, le pugilat? Eh bien, on se pose la même question au début de ce club qu'ils vont fonder, qui s'appelle le Club Carpatique Transylvain, le Siebenbürgischer Karpatenverein, et qui va être fondé donc en 1880. Et donc, ce dont tout le monde est persuadé aujourd'hui, surtout parmi les Saxons qui sont tous ou souvent de très bons montagnards, c'est que ce club a été fondé pour faire de la montagne. Eh bien, pas du tout. Aïe, alors pourquoi faire? Quand on regarde le discours fondateur de Karl Wolf, qui était le premier président, eh bien, il va jusqu'à dire « Mon Dieu, ne croyez pas que nous fondons ce club pour cette activité d'urlu-berlu qu'est le sport de montagne ». Mais alors, que voulait-il faire? Et en fait, il faut regarder les statuts. Et on va retrouver ce qui se fait dans tous les clubs de montagne de cette époque-là, qui sont tous créés à la fin du 19e siècle, y compris le club alpin français, le club alpin allemand, etc., etc. Eh bien, en fait, il faut comprendre que la montagne, à cette époque-là, c'est la partie totalement inconnue du territoire. On n'y est jamais allé. Et donc, il va falloir conquérir cette montagne et il va falloir la connaître. En allemand, on dit « erschließen », c'est un mot qui est très difficile à traduire, qui veut dire à la fois documenter, comprendre ce qu'elle est et diffuser les connaissances acquises. Oui, parce que ce club carpatique transylvain s'inscrit dans une histoire, et vous venez de le souligner, beaucoup plus vaste, une histoire européenne et même au-delà, parce qu'on va trouver des phénomènes à peu près similaires aux États-Unis, la redécouverte de la montagne avec tous ces clubs alpins, bon, bah, en Transylvanie bien sûr, mais pas seulement, dans les Vosges aussi. Nous sommes là parce qu'il y a un peu plus de 100 ans, 1891, le 17 mai, un jour de Pentecôte, 17 membres du club alpin ont décidé de venir dans les Vosges pour accompagner un membre qui était Émile Gallet, oui, qui était membre du club alpin, déjà depuis 7 ans à l'époque. Et ils avaient décidé de venir dans les Vosges pour, bien sûr, randonner, mais en même temps, ramasser des plantes, faire des croquis, des dessins, pour pouvoir plus tard, Émile Gallet, bien sûr, en profiter et travailler. Émile Gallet, ben oui, Émile Gallet, c'est le verrier, c'est l'école de Nancy. C'est celui qui s'intéresse à la nature. Et là, l'histoire du club alpin des Vosges, c'est un écho évident à ce qui se passe partout en Europe et ben, notamment en Transylvanie. C'est quoi cette nouvelle passion pour la montagne ? Alors, cette nouvelle passion pour la montagne, disons-le sincèrement et franchement, c'est une passion nationale. Par la montagne, il va s'agir d'ancrer cet esprit de la nation qui, à la fin du XIXe siècle, n'est pas si solide que ça. Hein. Je rappelle quand même que dans Peace and Frenchmen, Eugène Weber dit que la France ne devient France qu'après la radio, qu'auparavant, elle est morcelée. Et donc, il va falloir, en Transylvanie aussi, ancrer dans les esprits cette idée de la nation. Et la montagne va être un merveilleux outil pour allier le plaisir et la science. Mais pour ces Saxons de Roumanie, donc, vous l'avez dit, il y a eu un moment où effectivement ils participaient à une sorte d'entité territoriale. Y a-t-il la volonté de former une nation ? Parce que nous voyons bien comment se construisent ces nations en Europe au XIXe siècle. Y a-t-il par exemple pour ces Allemands de Roumanie la volonté d'être attachés à l'Allemagne ? Mais assez loin, parce qu'il y a quand même des pays entre les deux, il y a la Hongrie. Alors c'est une question brûlante, la question du pangermanisme. Et les Saxons sont très à part, rien à voir avec les Silésiens par exemple. En fait, ils sont très loin et de ce fait, ils ne veulent pas être rattachés à l'Allemagne. Ils ne l'ont en fait jamais vraiment voulu. Et ce qu'ils veulent plutôt, c'est se rapprocher de ce qu'ils appellent le Mutterland. Alors, les Saxons ont donc d'abord été dans l'Empire autrichien. Ils l'ont été jusqu'à ce qu'en fait la double monarchie en 1867 les mette à nouveau dans le royaume de Hongrie. Et l'Autriche les a beaucoup déçus. Pourtant, l'Autriche, c'était leur langue maternelle. Ils espéraient que, de ce fait, on les défendrait parce qu'ils n'ont jamais été plus de 250 000. Ils avaient un pouvoir important et un pouvoir culturel, surtout, mais ils étaient très peu en nombre et la modernité, pour eux, était de plus en plus fatale. Ça se traduit par, en 1791, une rationalisation par l'Autriche des circonscriptions de l'Empire. Et là, en fait, ils vont perdre leur statut d'un tiers des voix et leur droit de veto. Ils deviennent tout simplement 9% de la diète. Et puis, pire encore, en 1876, eh bien, leur territoire d'autogestion va être détruit. C'est-à-dire qu'ils avaient un territoire où ils avaient leur juridiction, où ils étaient entièrement les maîtres. Et en 1876, ce territoire va être détruit et il y a le sentiment d'une fatalité à partir de ce moment-là, jusqu'en 1989, on y viendra plus tard. Oui, bah c'est une longue histoire, bien sûr, parce que nous voyons bien qu'en cette fin du 19e siècle, au moment où se constitue cet empire, l'Autriche-Hongrie, il y a toutes ces minorités. Cette minorité qui est rattachée donc au royaume de Hongrie se sent complètement délaissée. C'est paradoxal, hein, toujours ces mouvements-là. Il y a la forte identité nationale, sans la revendication d'un pays, et en même temps, il y a le sentiment d'être un peu bafoué. On peut dire que là, nous avons une minorité déçue, une minorité allemande déçue dans le royaume de Hongrie. Oui, on a une minorité allemande déçue et qui a très peur de l'avenir, en fait. Alors, il faut savoir que la Transylvanie est un pays, une région multiculturelle depuis toujours. C'est-à-dire qu'en Transylvanie vivent des Roumains, une forte minorité hongroise, des Allemands. Il y a eu beaucoup de Juifs, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Et puis, il y a une population rome qui est importante. Et il y a aussi beaucoup de minorités. Il y a des Serbes, il y a des Croates. Et toutes ces minorités ont vécu en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre de religion en Transylvanie. Les gens vivent les uns à côté des autres selon le principe multiculturel qui est « on ne se mélange pas, mais on ne se bat pas ». Et ça crée des patchworks culturels qui demeurent fascinants aujourd'hui et qu'on voit un peu dans le film de Moon Joo, même si le film de Moon Joo RMN, d'une certaine façon, montre la fin de ce système et son effondrement. Mais on voit dans un village des gens qui parlent allemand, des gens qui parlent hongrois, des gens qui parlent roumain, qui ont leurs propres coutumes, qui sont voisins et qui sont très heureux d'entendre à côté ces différentes culture qui voisine. Et en fait, la peur des Saxons, c'est la peur de l'avalement. Ce qui fait que ils sont de plus en plus inquiets parce que, évidemment, au siècle des nations, l'État auquel ils appartiennent va vouloir devenir État-nation. C'est ce que Roger Brubaker, l'Américain, appelle un État, non pas nation, mais un État nationalisant. Mmh. C'est vraiment ça, la Roumanie. Et donc, ça veut dire magyarisation par les Hongrois. Et puis, la Transylvanie devient roumaine en 1918, plus exactement en 1920 avec le traité de Trianon. Et après, c'est une rouménisation. Et les Saxons ont peur d'être avalés, de ne plus pouvoir exister en tant que minorité presque plus allemande que les Allemands. Les minorités sont toujours, ont toujours des identités très affirmées. Et ça va un peu les pousser dans les bras du nazisme, dont ils vont espérer une issue. Alors, en quoi un club sportif, disons-le comme ça, ou en tout cas qui n'est pas seulement sportif, c'est ça qui est passionnant avec ce club carpathique transylvain, en quoi ce club va être utile pour affirmer son identité ? Je suis une minorité au sein d'un ensemble plus vaste, une minorité allemande. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce club ? Déjà, il est fondé quand ? Il est fondé en 1880. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce club ? En fait, en pays multiculturel, il y a une règle simple, il faut être autre que les autres. Chacun doit avoir des caractéristiques, souvent stéréotypiques, pour montrer qu'on est différent. Il se trouve qu'en Transylvanie, à la fin du XIXe siècle, personne ne fait de montagne, sinon les bergers roumains, dont c'est le fief, et qui vont transhumer, évidemment pas sur les cimes, mais sur l'alpage. Personne ne fait de montagne, d'une part. Et d'autre part, le grand modèle des Saxons, c'est le grand frère allemand. Et les Allemands font de la montagne, j'oserais presque dire en souriant depuis toujours, en tout état de cause. Bon, aujourd'hui encore, le club alpin allemand, il a 1 million de membres et il n'a aucun grand sommet. C'est une histoire qui vient de loin, une histoire culturelle de la montagne qui vient de loin. Ils veulent donc imiter le club alpin allemand et... En fait, tout se tient. C'est un raisonnement où ils ont, au pied de leur ville, des montagnes absolument merveilleuses. Ils ont un modèle culturel dont ils veulent suivre aussi cette partie-là. Et personne, à part eux, n'y va et n'ira quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça leur fait une distinction bourdeusienne qui est alliée au grand plaisir de la montagne et à la beauté des paysages. C'est juste parfait. C'est parfait. Et puis, cette beauté du paysage nous conduit à la nature avec ce titre de votre livre, Catherine Roth, Naturaliser la montagne. Ce jeu de mots même autour de l'idée de naturaliser. Parce qu'il y a ces deux aspects de la naturalisation. C'est la nature, bien sûr, mais c'est lié aussi à l'identité. La naturalisation. C'est quoi naturaliser la montagne ? Alors... Il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire que quand je dis que par la montagne, on fait la patrie, eh bien, on va la faire de différentes façons qui sont notamment diffuser les connaissances sur cette patrie. Et les connaissances, mais ça passe déjà par les sciences naturelles. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs, comme cailloux, comme animaux dans nos montagnes ? Et les francs-maçons, à partir du XVIIIe siècle, puis les sociétés savantes dans le premier XIXe siècle, vont commencer à faire des études partout, des expéditions, et puis des sociétés savantes de plus en plus organisées. Et quand on en vient à créer les clubs alpins, dont le club transylvain, eh bien, il va s'agir de vulgariser ces notions. On les vulgarise parce qu'on a un annuaire, c'est-à-dire une petite publication annuelle, dans laquelle on a une bonne moitié d'articles de vulgarisation scientifique où vous allez tout apprendre sur le rhododendron ou les delves, sur le chamois, la marmotte, la géographie alpine, etc., etc. Et en fait, tout ça, il faut comprendre que c'est une entreprise de communication. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire un pays ? Vous savez, il y a cette fameuse phrase, Maintenant qu'on a fait l'Italie, il va falloir faire les Italiens. Mais vous faites comment pour faire des Italiens? Vous n'allez pas les asseoir sur une chaise et leur dire « Bon, à partir d'aujourd'hui, vos références, c'est ça, ça et ça. » Enfin, si vous le faites à l'école, c'est le seul endroit où vous pouvez vous permettre de l'imposer. Mais qu'est-ce que vous faites avec les adultes? Et surtout, comment vous faites pour leur donner la passion de cela? La montagne, c'est un bon moyen pour diffuser. Il faut toujours apprendre avec plaisir, hein. On se dit ça quand on est enseignant à l'université. Bah, la montagne, c'est magnifique pour apprendre la nation avec plaisir. Donc, on va leur apprendre toutes ces choses très importantes pour la nation, qui sont une... C'est une culture générale de la nation, finalement. Hein? La vulgarisation, c'est quoi? C'est définir quel est le canon de ce qu'on doit savoir sur nos montagnes. Et, en fait, comment est-ce que ça se dit en allemand et en anglais, la vulgarisation? Ça se dit popularisation, fabrique d'un peuple. Hey. Donc, on va fabriquer ce peuple par des connaissances communes, mais on va aussi naturaliser tout ça. Oui, parce que pour connaître le rhododendron et la marmotte, il faut aller la chercher, la marmotte. C'est-à-dire qu'il faut grimper sur la montagne. Donc, énormément de randonnées dans cette histoire-là. Alors, énormément de randonnées. C'est-à-dire que en 1880, fin 19e, personne ne randonne, tout le monde écrit, et en fait, ce sont des journalistes qui sont dans les clubs de montagne et qui vont décrire ce que sont ces clubs de montagne. Et progressivement, la montagne va se développer, au point d'ailleurs que Olivier Hoybian, pour la France, dit « Il y a une génération d'adolescents qui, eux, se sont mis à adorer la montagne et qui vont faire la guerre aux antisportifs irréductibles. » Bon, on veut bien faire de la médiation, mais on va aussi faire beaucoup de montagne. Eh oui, c'est ça, hein, parce que dans cette histoire-là, le club carpathique transylvain, il y a de l'activité physique, mais nous en sentons la finalité dans tout ce que vous nous dites. C'est une randonnée avec un but, c'est comprendre cette montagne, la naturaliser, se l'approprier, et pour monter jusque là-haut, et parfois il faut faire des petites étapes, notamment dans un chalet. Au creux de la forêt, l'hôtel du SKV était enveloppé dans une fumée semblable à celle d'un incendie éteint depuis peu. Telle une lave légère, les nuages dévalaient vers Poyana. Des lambeaux s'attardaient encore, accrochés aux rochers, aux arbres. Nora et Paul sortaient du brouillard, sortaient d'un autre hiver. Ils entendaient toute une rumeur, faite de voix, de grelots, d'un cheval, de grincements d'une scie. La salle à manger était vaste, éclairée par de nombreuses fenêtres. Des saxonnes sans âge, grandes, blondes, peut-être jeunes, tricotaient autour d'un haut poêle en faïence. On jouait aux échecs à une table, aux cartes à une autre, au ping-pong dans une pièce voisine. Au-dessus, au premier, la même voix appelait toujours Gertrude. Mais Gertrude ne répondait pas. Sous une fenêtre, des gens fartaient leurs skis comme ils auraient fourbi leurs armes. Des palourds parcouraient des couloirs, montaient ou descendaient des escaliers. La porte s'ouvrait de temps en temps et alors des rires et des appels joyeux, Hans, Willy, Otto, accueillaient le nouveau venu. Gertrude, Hans, Willy, Otto, nous sommes dans un univers germanique, il n'y a pas de problème dans ce roman, l'accident, roman de Michael Sebastian. C'est intéressant, ici nous sommes à un moment, 1934, dans la narration, où il est question justement de cet hôtel du SKV. Donc le SKV, on peut rappeler le nom, mais c'est sur le modèle du club alpin allemand, c'est ce club carpathique. Ça veut dire quoi déjà, SKV ? Club Carpathique Transylvain, Siebenbürgischer Karpatenverein. Et en fait, on le prononce, même en Transylvanie, même quand on parle roumain ou hongrois, on le prononce à l'allemande. Le V en allemand se dit V, et donc on dit SKV. SKV. Et dans ce club, eh bien, il y a ces chalets. Donc, naturaliser la montagne, c'est se l'approprier aussi. Il y a tout un aspect de construction pour tous ces randonneurs qui vont explorer la montagne. Alors... ce que va faire le club dès ses débuts, c'est qu'il va faire des chemins de randonnée, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a que des chemins de transhumance, donc il va en faire environ 1000 km, et il va construire des refuges. Il va en construire jusqu'à 60, il en restera à peu près 22 en 1945, et... Celui dont il est question ici est un des plus célèbres, c'est la Julius Römer Hütte, qui est en roumain la Cabana Postavaru. qui se trouve juste au-dessus de Brașov. Et on y reviendra pour le strictement contemporain. Mes chers auditeurs, ce refuge, il existe toujours. Il est toujours tenu par une famille allemande qui est la famille Truetsch. Et je vous conseille vivement de faire ce qu'au fond Paul et Nora dans l'accident, c'est-à-dire par une nuit d'hiver, de mettre vos pots de phoque ou vos raquettes et de monter jusqu'à ce refuge et d'arriver et d'entendre parler allemand, de manger allemand et d'être dans un lieu totalement féerique et tout autre, c'est la Transylvanie multiculturelle. Voilà, bah en plus il y a des conseils pour les vacances avec, on peut mettre aussi des gros manteaux de laine. Vous évoquez les animaux, on a parlé des marmottes, on pourrait parler des chiens parce que dans votre étude Naturaliser la montagne, il y a un moment canin, ce moment chien. Alors c'est très intéressant parce que là aussi on pourrait évoquer une forme de micro-histoire, regarder juste les chiens, mais à travers les chiens, on a comme une identité liée à cette minorité saxonne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de chiens, ces Saxons, par rapport aux Roumains ? Alors, si vous permettez, je réponds à votre question sur la naturalisation parce qu'on est, vraiment dans cette question-là. On va non seulement inventer cette identité nationale, mais on va la naturaliser. Ça veut dire quoi, naturaliser ? Naturaliser, ça veut dire faire sortir des possibilités de contestation. Est-ce qu'on va contester la nature et la montagne ? Ben non, ce sont des faits. Alors, si on assimile la société humaine avec la montagne, eh bien, on se dit qu'on ne pourra plus la contester. Et les Carpates servent de façon extrêmement efficace à cela. D'abord parce que je vous ai décrit cet arc de cercle, c'est une frontière naturelle. Par parenthèse, une frontière naturelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est constituée par la nature, mais peut-être un peu qu'elle est voulue par la nature, non ? Interrogeons nos mots. Et par ailleurs, ces Carpates, eh bien les Saxons vont déclarer, très souvent, l'écrire, que, en fait, ils sont une forteresse montagneuse et ils sont une forteresse qui est la frontière orientale de la culture européenne, qui serait placée là, à dessein par le divin, pour défendre la culture européenne. On peut lire, par exemple, des phrases comme « La géographie prouve l'appartenance de la Transylvanie à l'Europe ». Ça, c'est une naturalisation qui va transformer les hommes en montagne. Leur identité va être aussi ancienne que la montagne. Ça a une vertu extraordinaire, c'est que ça permet de lutter contre la théorie de la continuité roumaine. Parce que les Saxons sont arrivés probablement au XIIe siècle, et à partir de la roumanisation, il s'agit de les déclarer indésirables. Donc on va dire que ce sont des colons qui ont colonisé des pays roumains. Il se trouve qu'il n'y a aucune archive permettant de dire que dans les villes de Brașov et Sibiu, Hermannstadt et Kronstadt, il y ait eu quelque chose avant eux. Il est très probable qu'ils les aient fondées. Mais la théorie de la continuité roumaine, pour arriver à contourner les 800 ans, va dire qu'en fait les Roumains descendent des Romains et des Daces. Et donc, les voilà transformés en hôtes indésirables de cette façon-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Si on est aussi vieux que la montagne, c'est bien plus vieux que les Romains. Forme de naturalisation très efficace. Et alors, même le chien. Quoi de plus naturel qu'un chien ? Eh bien non. En fait, le chien, mais alors ça va concerner plutôt les Roumains, pendant la période de rouménisation des Carpates. Le chien, en fait, les races sont une standardisation. Et une standardisation de race, c'est quoi ? C'est une sélection. On sélectionne des chiots pour que progressivement, la race se crée et on voit dans les années 20 en Roumanie comment on va créer un très bel animal qui s'appelle le berger carpatique transylvain, qui est un très gros chien, magnifique, mais auquel je conseille aux randonneurs de ne pas trop se frotter quand ils protègent ses moutons. Et dans les années 20, on lit des textes disant, eh bien, ce berger national roumain, il va figurer notre Transylvanie roumaine. Les Saxons eux-mêmes n'ont pas eu de chien national, mais les Hongrois ont des chiens nationaux. Et quand vous allez encore aujourd'hui dans les villages saxons, les villages hongrois ou sicules en Roumanie, vous êtes très étonnés de voir que les gens ont des braques hongrois ou des commandors. Commandor, c'est un chien extraordinaire avec du feutre blanc pour que les loups ne puissent pas le mordre. Chien hongrois. Les Hongrois ont des chiens hongrois en Roumanie. Est-ce par hasard ? Oui, oui, c'est ça. C'est cette histoire qui est très intéressante parce que dans la construction des identités, vous nous l'avez dit, la Transylvanie est un espace qui est utilisé par les Roumains pour l'élevage, donc berger, donc nécessité de chiens, alors que les Saxons, eux, ne sont pas éleveurs, donc ils n'ont pas besoin de chiens. Et ça, c'est l'occupation aussi de la montagne. On voit que tout est signe, tout est construction. On construit les races de chiens comme on construit les frontières, évidemment, créées par les humains, frontières dites naturelles, complètement fantasmées. Mais c'est intéressant parce que c'est une histoire. Enfin, quand on vous écoute, Catherine Roth, on sent vraiment toutes ces tensions et la nécessité de mettre en place ce club carpathique transylvain, de le faire vivre, parce qu'il y a une vraie activité, c'est un biais pour renforcer l'identité qu'on trouve partout en Europe, mais vraiment particulièrement ici. C'est très fort, ça se construit comment ce club ? C'est-à-dire que il faut être adhérent, il y a du monde, faut participer à des activités et monter sur la montagne le week-end ? Alors, il faut, et surtout c'est tellement agréable, on ne s'en priverait pas. Alors oui, il y a des adhérents. Alors au départ, c'est la bourgeoisie saxonne, parce que la montagne dans toute l'Europe, il est évident que c'est un sport de bourgeois. Les paysans, pour eux, la nature, c'est le travail. Donc le dimanche, ils ne vont surtout pas aller dans la nature. C'est un sport de bourgeois et très rapidement, toute la bourgeoisie saxonne est membre, même ceux qui ne font pas de sport, d'ailleurs. C'est vraiment une appartenance. Et je l'ai compris de façon très impressionnante, d'ailleurs, parce que j'étais très étonnée dans mes interviews de voir que les Saxons, quand ils ont émigré en Allemagne en 1990, emportaient presque toujours la carte de membre de leur père, de leur grand-père. Est-ce que vous emportez votre carte de tennis quand vous émigrez avec deux valises, hein ? C'est donc que cette carte de membre, elle devait avoir une autre signification. Et la réponse me fut donnée dans le fameux refuge dont il fut question, où montent Paul et Nora, nos amis roumains, en 1934. J'y étais un jour et je parle avec une vieille saxonne, une vieille dame qui était montée en jeep parce qu'elle n'était plus capable de monter à pied. Et je lui demande pourquoi elle vient, pourquoi vous montez en montagne alors que vous ne pouvez plus faire de montagne. Elle me sort deux cartes, c'était un moment magique. Elle me sort sa carte de membre du SKFO quand elle était une petite fille dans les années 30. Et elle me sort sa carte de membre d'honneur dans le SKFO refondé, parce que je trahis la suite de l'émission, mais il va être refondé après la chute du mur. Et donc je comprends, mais en fait, c'est une carte d'identité. Quand vous êtes une nation sans État, vous n'avez pas de carte d'identité disant votre culture. Eh bien, la carte du SKFO, c'était une carte d'identité. Oui, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, évidemment, dès qu'il est question d'histoire. C'est comment se construit cette étude, cette narration. Catherine Roth, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la culture et de la communication à l'Université de Haute-Alsace. Il y a donc cet ouvrage « Naturaliser la montagne » aux presses universitaires de Rennes. Et puis « La nation entre les lignes », publié chez le même éditeur que nous aimons beaucoup. Dans les sources que vous avez utilisées, il y a les sources, j'ai envie de dire habituelles, hein, les documents, bah, tout ce qui reste, ces cartes, ces papiers, et puis tous ces imprimés, l'annuaire de ce club. Et puis, il y a ces entretiens. Comment vous avez procédé ? Ah, c'était très très long. C'était très long parce que, en fait, c'est très difficile. En fait, ma question, c'est l'identité collective. Et on ne peut pas arriver chez des gens et leur demander c'est quoi votre identité. Donc il faut toujours trouver des questions qui contournent. On leur demande ce qui représente, ce qui leur paraît représenter le fait d'être saxon, ce qui est important pour eux. Et en fait, ça m'a emmenée sur des territoires que je n'imaginais pas le moins du monde. C'est-à-dire, je n'imaginais absolument pas que j'allais travailler sur l'alpinisme. Je l'ai fait avec plaisir parce que c'est ma passion personnelle. Et donc, ça a résonné et j'ai eu envie de chercher. Mais c'est simplement parce qu'on me disait que c'était très important pour leur identité. Et puis, ils me disaient des choses comme leur église est très importante pour leur identité. Ça aussi, c'est curieux quand vous êtes français. Une église importante pour une identité. Puis, à un moment, à force de faire des entretiens, de lire de la littérature secondaire, vous comprenez que leur église, au moment où on leur enlève leur diète, eh bien, ça devient leur organe politique. C'est ce que j'appelle maintenant une église-nation. Et puis, ils m'ont raconté beaucoup d'histoires de famille. Je m'endormais pendant des heures. J'ai fait plusieurs centaines d'entretiens, en fait. Et je m'endormais parce qu'ils me racontaient chaque fois des histoires de famille et je n'arrivais pas à les arrêter. Mais je notais, vous savez, en bonne chercheuse, hein. on note, on se dit, allez savoir si un jour ça me servira. Ah, vous restiez quand même un peu éveillée. Oui, c'était quand même parfois long, mais à un moment, illumination, bah, évidemment. Pourquoi ils me racontent des histoires de famille quand je leur parle d'identité collective saxonne? Eh bien, parce que le fait d'être une minorité, ça a un impact extrêmement fort sur les familles. Impact positif qui est que ben, la famille, c'est la base de la nation parce qu'il faut faire des mariages intraculturels. Et puis des impacts extrêmement négatifs quand on arrive dans les périodes troubles du XXe siècle où, eh bien, par exemple, tous les jeunes Saxons qui étaient dans l'armée allemande et qui étaient, à cause d'un traité entre Hitler et la Roumanie, qui étaient enrôlés dans la SS, eh bien, ils ne pouvaient plus revenir en Transylvanie après la guerre parce que, vous savez, que les SS avaient un tatouage sous le bras et quand ils voulaient rentrer en Transylvanie, les Russes leur faisaient lever le bras et puis s'ils avaient le tatouage SS, eh bien, évidemment, ils étaient fusillés ou d'autres choses désagréables. Ce qui veut dire que les familles étaient complètement déconstruites, hein, que les hommes étaient en Allemagne et les femmes étaient en Transylvanie, et que donc les familles sont complètement détruites au XXe siècle et ne se reconstituent pas finalement. Oui, parce que cette histoire-là, évidemment, croise l'histoire de l'Europe sans cesse avec une minorité allemande qui est perdue là-bas en Transylvanie. Et dans l'histoire des deux guerres mondiales, nous sentons bien que d'un coup, il y a un regard particulier parce que ces Saxons sont vus comme de potentiels soutien de l'Allemagne. Alors ça pose un problème. Là, je parle pour les deux guerres mondiales. Ça s'est ressenti, c'est-à-dire que le club carpatique transylvain, ce club alpin qui nous intéresse, eh bien, il forme l'identité, mais dès lors, en formant l'identité de ces Allemands, c'est quelque chose qui peut paraître suspect. Oui, ça l'a été. Alors, Première Guerre mondiale, ils sont dans les armées austro-hongroises hein, qui se battent contre la Roumanie. Donc c'est une position extrêmement pénible pour eux après la Première Guerre mondiale. Hein, parce qu'ils sont dans leur pays, mais ils ont combattu contre ce qui devient la Roumanie. Et alors la Deuxième Guerre mondiale, c'est pire encore, hein, puisque bah, la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait résumer un peu vite en disant la volonté d'expansion de Hitler, c'est précisément les minorités allemandes qui sont très très nombreuses jusqu'à la Volga. Et eux-mêmes, se voyant menacés d'absorption par la rouménisation du royaume de Roumanie à partir de 1920, eh bien, ils vont être extrêmement tentés par le nazisme, ce que le club ne sera pas. Et ça, je m'en étonne encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le club carpatique transylvain refuse de servir le nazisme. Ah mais c'est intéressant de cette histoire parce qu'on voit la complexité en fait des choix, des engagements. Et là, nous parlons d'engagement collectif. Nous l'avons évoqué, il y a toute cette randonnée, j'ai envie de dire cette activité sportive première pour la plus grande connaissance de la montagne, naturaliser la montagne. Mais on sent qu'ils vont un peu plus haut. Vous avez évoqué, Catherine Roth, l'alpinisme. Parce que, c'est la couverture de votre ouvrage, là, c'est bon, hein, c'est plus de la randonnée. Hein. Il y a que de la neige, de la roche, et des gens qui portent des skis. C'est-à-dire qu'il y a un côté pour aller toujours plus loin, plus haut ici? Oui, clairement. On conquiert la montagne et au fur et à mesure qu'on a franchi une étape, on va franchir la suivante. Et bien sûr que dès les années 30, on fait du ski. Alors évidemment, il faut monter. On a des peaux de phoque. Hein. Il se trouve que sur la couverture du livre, ils n'ont pas de peau de phoque et ils montent à pied, ils portent leur ski. Et puis, on va aussi commencer l'escalade. Il y a des belles voies dans les Carpates. Il y a aussi quelques photos dans le livre. Donc, l'escalade va beaucoup se développer après la Seconde Guerre mondiale. Et on va faire évidemment aussi des raquettes. Mais on devient très alpin et les Saxons sont de bons alpinistes. Au point d'ailleurs que ils ont un accent très particulier, les Saxons. Ils roulent les airs, c'est un Allemand d'Europe centrale. Bon, moi, je passe un certain temps dans ma vie dans les refuges de haute montagne. Pas pour faire de la recherche, sauf quand je faisais de la recherche sur le terrain avec des Saxons. Et en fait, très souvent, bah, vous êtes en dessous de la Bernina, puis brusquement, vous entendez à la table à côté, là, cet Allemand chantant. Vous y allez, vous demandez, mais tu viens d'où? On se tutoie en montagne. Ah bah, je viens de Kronstadt. En fait, ils sont très peu nombreux, mais ils font très massivement de la montagne. C'est ce qu'on peut appeler un sport de masse sur une toute petite minorité. Ils émigrent tous en Allemagne après 90, mais où est-ce qu'ils vont émigrer? Ils sont luthériens. Luthériens, ça veut dire nord de l'Allemagne. Non, ils vont en Bavière. Alors la Bavière, c'est pas luthérien. Mais il y a la catholique, montagne. Oui. Et oui, c'est ça, c'est toujours retrouver la montagne. Alors, il y a cette identité qui relie une minorité, très bien, ça c'est une chose, mais il y a une autre identité, c'est celle de la montagne. Et oui, c'est une grande famille, paraît-il. Le métier de guide a changé, comme la clientèle a changé. Oui. Il y a 50 ans, et même plus, les guides étaient... Ils étaient engagés par des clients qui les gardaient 15 jours, des fois même plus. En tout cas, 8-15 jours, ils engageaient un guide avec eux, ils se promenaient avec lui, ils faisaient des courses ici, ils l'emmenaient en Suisse ou en Autriche. Tandis que maintenant, après, c'est devenu la course à la journée, du moins à l'ascension. Premier de cordée, et oui, c'est Roger Frison-Roche qui s'exprimait sur France Culture en 1990. C'est un vieux monsieur, il avait 85 ans déjà. Mais alors, quelle histoire, Frison-Roche, dès qu'on l'évoque. Et oui, premier de cordée, tant de lectures, mais c'est une histoire, et on le disait, celle du club carpathique transylvain, qui s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large. C'est ça qui est passionnant, hein. Il est question d'une minorité, mais cette minorité ne peut être comprise qu'en relation avec ce qui se passe ailleurs. Elle profite de cet engouement pour la montagne, un engouement général. On redécouvre partout la montagne. Je dirais plutôt qu'on la découvre, parce qu'en fait, la montagne, avant la fin du 19e siècle, c'est quoi? C'est des orages qui arrivent du sommet des montagnes, c'est des grêlons qui vont tuer les oiseaux, c'est des inondations à la fonte des neiges. La montagne est terrifiante. Il y a des bestioles terribles, il y a le loup, le dahu, l'ours, on ne sait jamais. Oui, il ne faut pas trop se balader là-haut. Ah oui, il y en a encore beaucoup des ours en Transylvanie. Au-dessus de Brașov, grande ville, vous avez encore des ours parfois qui vont descendre en ville se servir dans les poubelles. Mais la montagne du Moyen-Âge, effectivement, c'est une montagne où personne ne va. Les bergers vont jusqu'à un petit 1000 mètres d'altitude, mais on ne va surtout pas au-delà. Le 19e siècle, c'est on va monter, monter, monter, on va s'émerveiller, mon Dieu que c'est beau tout ça. Et puis, on va voir la patrie du haut. Imaginez avant l'avion, on ne voyait pas son pays, on était dedans. On monte et du sommet des montagnes, on va voir sa patrie à ses pieds. C'est une carte vivante, c'est de l'identité visuelle. Et en plus, tout cela est très beau. Oui, c'est magnifique. Et puis, c'est sûr qu'il y a le sentiment d'aventure absolu. Dès qu'on monte si haut avec les risques qu'il y a de gravir la montagne, naturaliser la montagne. Catherine Roth, ce club carpathique transylvain, j'imagine que puisque nous sommes dans un phénomène international, est observé, attire, parce qu'on cherche des espaces explorés. C'est vrai que les Alpes, c'est fort sympathique, mais à un moment, on se dit, tiens, je pourrais aller plus loin. Il y a quelque chose qui relie ce club transylvain à ce qui peut se passer en Allemagne. Vous l'avez dit, combien le club alpin allemand sert d'inspiration à ce club transylvain. Et les Allemands d'Allemagne viennent en Transylvanie? Oh oui. Alors, les Allemands d'Allemagne, ils vont aller dans tout ce Mutterland. Le Mutterland, c'est le lieu de la Muttersprache, c'est-à-dire c'est le lieu de la langue maternelle. Moi, je traduirais ça par matrie. Vous avez d'un côté la patrie, qui est politique, et de l'autre côté la matrie, qui est le cœur, la culture, la langue. Et donc les Allemands vont circuler dans tout ce qui est la matrie, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire de la montagne partout où il y a des Allemands. C'est vrai que la Transylvanie a un caractère particulièrement charmant et aimé, mais on va aussi aller faire de la montagne dans les Tatras, qui sont aussi dans les Carpates, on va aller faire de la montagne en Silésie, etc. Et on a des récits de voyage assez importants. Et puis, une interview de Richard von Weizsäcker, donc l'ancien président de la République d'Allemagne, à qui je demande, je pose des questions politiques sur Ceausescu, la vente des Allemands, etc. Et il se met à me raconter une anecdote incroyable. Il me dit, mais vous savez, moi je connais bien, quand j'avais 12 ans, je suis allée à pied de Kronstadt à Hermannstadt, donc de Sibiu à Brasov. Mais comment, mais c'est loin. Ah mais oui, on a mis 10 jours. Et là, je comprends en fait que ce jeune noble allemand, eh bien, ses parents l'envoient en colonie de vacances en Transylvanie, parce que c'est la Transylvanie allemande. Et qu'on circulait comme ça. C'était la communauté de culture allemande. Et cette communauté de culture allemande, parfois, évidemment, rencontre les drames que traverse le monde. Nous sommes en 1945. C'est le 15 janvier 1945, à 3h du matin, que la patrouille est venue me chercher. Le froid arrivait peu à peu, il faisait moins 15. Un camion bâché traversa la ville déserte jusqu'à la grande halle des Saxons de Transylvanie. Cette salle des fêtes était désormais le centre de rassemblement. Près de 300 personnes s'y entassaient. Sur le sol, on avait étalé des matelas et des paillasses. Toute la nuit, des camions déposèrent des gens ramassés même dans les villages voisins. À l'aube, il y en avait près de 500. Tout comptage était inutile, cette nuit-là. On ne s'y retrouvait plus. La grande salle resta éclairée toute la nuit. Les gens couraient en tous sens pour repérer des connaissances. On disait qu'on recherchait, pour les wagons à bestiaux, des menuisiers capables de fabriquer des couchettes, avec du bois qui n'était pas encore sec. Des artisans y installaient des poêles cylindriques en fonte, d'autres sciaient le plancher des wagons pour faire des latrines. On parlait doucement et beaucoup, les yeux écarquillés. On pleurait doucement et beaucoup, les yeux plissés. L'air sentait la vieille laine, l'angoisse trempée de sueur, le graillon du rôti, les biscuits à la vanille et l'eau-de-vie. Olivier Martineau, dans Le cours de l'histoire, qui disait cet extrait du roman La bascule du souffle de Claire de Oliveira. Catherine Roth, ça signifie quoi là? C'est un roman, donc c'est toujours très intéressant de voir comment la littérature s'empare d'un moment du passé. Là, c'est 1945. Ça signifie quoi la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale pour ce club carpatique transylvain? Alors, merci de cet extrait magnifique de... Et cette traduction magnifique de Claire Oliveira du texte de Hertha Müller, qui est vraiment... c'est la première fois, en fait, qu'on parle officiellement dans l'espace public de cette déportation des Allemands. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont déportés donc en URSS. Et ils sont déportés comme force de travail. Et ils sont aussi déportés pour les casser en tant que peuple. Et ça fonctionne assez bien, puisque... Donc, tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler, c'est-à-dire en gros 17, 30 ou 40 ans, ils vont tous être déportés, ceux qui sont encore là. Et il y a environ 15% d'entre eux qui vont mourir. Les autres vont revenir, évidemment, extrêmement abîmés par cette expérience carcérale. Je me souviens de vieilles dames qui avaient un bras cassé, qui étaient recollées dans l'autre sens. Enfin, tout ce qui arrive quand on est dans ces camps. Et en fait, Hertha Müller a eu le prix Nobel en 2007 avec ce livre. Et ça a été, pour d'une certaine façon, dire qu'il était autorisé de parler de la souffrance des Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils n'étaient pas seulement des acteurs de cette monstruosité, mais aussi des victimes. De la même façon, d'ailleurs, qu'on a commencé à retravailler les bombardements des villes, tous les gens qui brûlaient vifs, etc., etc. Donc... Mais pour ce club alpin, parce que c'est vrai qu'il y a la souffrance humaine liée à cette après-Seconde Guerre mondiale pour ces Allemands, ces Saxons de Roumanie, le club alpin lui disparaît à ce moment-là. Alors, parce que si la population est en partie déportée, il n'y a plus personne pour faire vivre le club transylvain. Alors, ce qu'on lit dans les annuaires du club transylvain, c'est que, bien qu'il n'y ait plus personne pour faire de la montagne, puisque tous les hommes sont soit au front, soit déportés, eh bien, non, sont au front. Parce qu'en 1945, en fait... le club carpatique Transylvain est exproprié. Mais auparavant, pendant la guerre, on lit que les gens continuent à payer leurs cotisations. Ce qui montre bien que ce n'est pas seulement le plaisir de la montagne, c'est aussi de l'identité. Mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que, en même temps qu'on va commencer à déporter les Allemands, ce sont les Russes qui les déportent, pas les Roumains, en même temps qu'on va les déporter, eh bien on va les exproprier, c'est-à-dire que le SKFA est interdit, il a des cartes de randonnée qui sont absolument magnifiques et parfaites, il est interdit d'en posséder sous peine au minimum de prison, et en fait, tout ça va disparaître du jour au lendemain, et les refuges sont expropriés également. Ouais, c'est une histoire complexe, parce que ça veut dire que toute cette période de la Roumanie communiste avec Ceausescu, il y a une réappropriation par les Roumains de cet espace-là, mais qui est dans la continuité d'une longue, alors je ne sais pas si le mot rivalité convient, mais une longue opposition entre ces Saxons de Transylvanie et les Roumains. Alors dans l'histoire, en Transylvanie, les Saxons sont plutôt les bourgeois. C'est eux qui fondent les villes et qui les habitent. Et les Saxons, les Roumains sont en Transylvanie majoritairement les paysans. Et puis évidemment, avec le mouvement national, d'abord il y a de plus en plus de Roumains qui s'installent dans les villes saxonnes et évidemment qui veulent développer leur État-nation. Alors, je dis qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les nationalités, mais bien sûr, il y a des rivalités pour le pouvoir qui vont donc aboutir à ce que la Roumanie entre dans la Première Guerre mondiale pour obtenir la Transylvanie. Et elle l'obtient. Et ensuite, elle va essayer de la transformer en Transylvanie roumaine. Et, chose extrêmement étonnante, elle va utiliser la montagne exactement de la même façon que les Saxons l'avaient fait avec le club carpatique transylvain, même avec les mêmes phrases, sauf que les Saxons le disaient en allemand, les Roumains le disent en roumain, et elle va parvenir exactement au même résultat, c'est-à-dire en faire un sport de masse. Ouais, c'est ça qui est très intéressant. Et puis une histoire évidemment qui passe par la chute du régime communiste en Roumanie, par la chute de Ceausescu, qui étonnamment est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les cochons. Il est traditionnel de tuer le cochon début janvier dans les familles paysannes de la vallée de Burgau. Mais compte tenu des circonstances, mais pas seulement à cause d'elles, celui-ci est un cochon bien rondouillard et il a été baptisé Ceausescu cette année, puisque c'est la première fois depuis de longues années qu'une partie de la viande de la bête ne sera pas obligatoirement reversée à l'État. Les vraies raisons de la fête, puisque la viande va rester dans la famille. Il y a 10 ans, Traian Flamin, comme les autres paysans de la région, possédait plusieurs cochons. C'est le racket de l'État qui a mis fin à l'élevage qui aurait pourtant permis de nourrir les familles du village. Nous étions en 1990 sur France Culture dans l'émission Grand Angle. Ceausescu chute, c'est cette fin d'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, pour ce club carpatique transylvain qui a disparu durant ce qu'on a longtemps appelé la guerre froide et puis dans les années qui ont suivi. Mais que se passe-t-il pour ces Saxons? Certains profitent de la chute du régime pour partir ou refont-ils naître ce club carpatique? Alors, ils vont partir massivement pour l'Allemagne. Ils sont 110 000 à partir en 1990 sur un total de moins de 200 000 à l'époque. Vous imaginez, c'est presque la fin de l'histoire. Actuellement, il n'y a plus que 15 000 Saxons en Allemagne. Mais en Roumanie. En Roumanie, pardon. Mais alors, tout le monde est persuadé que c'est la fin de l'histoire saxonne. Il y a beaucoup de larmes qui se versent. Et puis, il y a une résurrection de l'histoire, de la mémoire, à partir des années 2005-2007. C'est fascinant. Et Internet, d'ailleurs, a joué un rôle très important. Parce que, par exemple, les refuges, eh bien, il y avait des batailles sur Wikipédia pour dire que c'était des refuges allemands. Puis, à un moment, la mémoire revient. Par ailleurs, les Saxons qui sont en Allemagne, qui ont immigré, ils vont créer une section Carpates du club alpin allemand. Et donc, ils se retrouvent le week-end pour aller faire de la montagne. Ils habitent un peu partout. Et ils parlent saxon, ils parlent roumain, ils parlent hongrois. C'est très impressionnant. Et la merveille des merveilles, c'est 1996. On va refonder le club carpatique transylvain à Sibiu, en Roumanie. On n'aurait jamais cru cela possible. Et puis voilà, ça se fait. On a d'un côté les Saxons sans les Carpates, avec la section Carpates du club alpin. Et puis de l'autre côté, les Carpates sans les Saxons, avec le club carpatique transylvain, refondé. Mais il y a un autre miracle. Klaus Werner Iohannis, président de la République de Roumanie, est un Saxon qui parle allemand à la maison. Qui l'eût cru ? Voilà, c'est cette histoire-là hein, qui est passionnante, de partir de ce qui pourrait sembler de la micro-histoire. Hein, le club carpatique transylvain, mais c'est naturaliser la montagne, le titre de votre livre, Catherine Roth, qui nous fait comprendre une histoire beaucoup plus large européenne. Et c'est passionnant hein, de traverser comme ça sur le temps long, avec les skis sur l'épaule et en randonnée, la Transylvanie. Et puis, je rappelle aussi La Nation entre les lignes, les Saxons de Transylvanie et la question des identités que vous publiez également aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel au sommet du pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on d'un âge d'or du Moyen-Âge africain ? On se souvient que le 26 juillet 2007, dans un discours prononcé à Dakar, le président Sarkozy avait affirmé que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pour expliquer pourquoi ces propos avaient fait scandale, j'évoquerai aujourd'hui la période que nous appelons le Moyen-Âge, considéré comme un âge d'or dans l'histoire de l'Afrique. Le cliché d'un continent sans histoire résulte du fait qu'à la différence des sociétés médiévales chrétiennes européennes ou de celles du monde arabe, les sociétés africaines n'ont produit que de très rares sources écrites, en dehors de l'Éthiopie et des régions situées dans le nord de l'Afrique. Ce qui explique l'importance que prend pour l'histoire de l'Afrique l'exploitation des traces archéologiques. Sans pouvoir être exhaustif, je citerai dans le sud de la Mauritanie les ruines des villes de Tek Daoust et de Koumi Salé, qui étaient probablement la capitale du royaume médiéval du Ghana, les ruines de l'île de Kilwa Kisiwani, un port commercial important au large de la Tanzanie, et le site de Grand Zimbabwe, une cité de 700 hectares entourée d'une muraille située au cœur du pays du même nom. Malheureusement, comme très peu de financements sont alloués à la recherche archéologique en Afrique, beaucoup de ces traces archéologiques restent encore à découvrir. L'emplacement exact de l'ancienne capitale du royaume du Mali est resté ignoré jusqu'aujourd'hui. Malgré ces lacunes, on peut dresser un premier panorama évoquant le dynamisme des sociétés africaines au Moyen-Âge. Dans une précédente chronique, j'avais évoqué les puissants royaumes du Ghana et du Mali qui étaient connus jusque dans le monde islamique, en Europe et en Asie. Plus à l'est, autour du fleuve Niger, on trouvait le royaume de Gao et autour du lac Tchad, le royaume de Kanem-Bornou. Plusieurs royaumes chrétiens, notamment celui de Nubie jusqu'au XIIIe siècle, s'étaient établis sur la haute vallée du Nil dans l'actuel Soudan. En Éthiopie, cohabitaient des royaumes musulmans et un royaume chrétien, sans oublier la série des cités-états sur la côte swahili d'Afrique de l'Est, de la Somalie au Mozambique. Sur le plan économique, le dynamisme de ces royaumes africains reposait sur l'exportation de l'or et des esclaves, deux ressources très prisées du monde islamique. L'ambre gris était également en vogue à cette époque, notamment en Chine. L'Afrique importait en retour des produits de luxe, surtout de Chine et de Perse, des étoffes de soie, des céramiques de prestige, de la porcelaine, des perles en verre, etc., etc. Le sel étant acheminé depuis le centre du Sahara. Sur le plan technique, ce sont les arts de la métallurgie qui faisaient la réputation de ces royaumes africains liés à la production du cuivre et du fer, armes, bijoux, etc. Dans le domaine artistique, des statuaires en bronze du Nigeria ou en argile du Mali attestent d'un haut niveau esthétique et technologique. Toutes ces raisons nous permettent d'affirmer, sans l'ombre d'une hésitation, que non seulement l'homme africain, mais aussi la femme africaine sont entrés dans l'histoire bien avant que les colons européens viennent occuper leurs terres. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, une émission réalisée également par Sam Bakiast, émission préparée touchous par Antoscan Viudès, Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Violette Ruiz, Tom Hundestock et Maïwenn Guizhou, émission à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.